Chapitre 5e. Que ne puis-je monter sur un dragon céleste pour respirer l'essence du soleil et de la lune afin d'être immortel? L'hypo. Nous repartîmes assez rapidement du plateau de Steinplot alors que le vent d'ouest qui s'était apaisé au cours de la nuit recommençait de hurler entre les rochers avec une force démesurée. Nous fîmes une halte pour permettre à Svarine, qui semblait connaître les montagnes comme sa poche, d'explorer un pic qui se révéla inabordable pour moi. De l'escarpement surplombant les vallées avoisinantes sur lesquelles nous nous trouvions, nous pouvions distinguer les vallées luxuriantes du sud parsemées d'immenses rochers. Nous apercevions même très nettement dans le lointain les chutes de Skumliv, recouvertes d'un épais manteau de brume scintillante. Même à cette distance, elles restaient impressionnantes et empreintes de cette magnificence omniprésente en Elfinie. En tournant le regard vers le nord, en contrebas, on apercevait d'immenses forêts de séquoias d'une hauteur vertigineuse. Les vallées traversées en partie par la rivière de Trollvet étalaient leurs manteaux de vert sombre qui semblaient formés par le gigantisme des arbres, dont certains m'affirment à Ifgur atteignaient 300 pieds de hauteur, un immense tapis recouvrant roches et éboulis qui couvrait pourtant toute l'île. Vu du sommet escarpé sur lequel nous nous trouvions, je discernais même au loin Arnancor. L'île paraissait immense, enveloppée de ses brumes protectrices. Un instant infime, elle me sembla si proche, alors que j'avais la parfaite conscience que nous étions loin, immergés dans un tout autre monde. L'espace et le temps me semblèrent soudain différents. Le ici et maintenant de nos pensées et de nos émotions semblait plus puissant et immédiat que toutes les distances et tous les temps contribuant en harmonie à les fortifier. Ce fut une impression qui dura un temps infinitésimal, mais dont je me souviendrai toute ma vie comme d'un vrai voyage. Après une légère halte, nous reprîmes notre marche vers une corniche qui devait abriter, selon Svarine, une des entrées de la montagne de feu. Finalement, après une longue montée épuisante entre failles et sentiers étroits, parcourant reliefs qui semblaient parfois taillés au sabre, tant les apics étaient abrupts et soudains, nous arrivâmes à l'entrée d'une grotte étroite, un mince goulot plutôt, précédant l'entrée de la grotte elle-même. Mon imagination fertile avait, au fil de notre montée, imaginé tour à tour, la découverte d'une porte dantesque, ensuite un portail étroit, puis une série de portes d'or et de métal précieux comme j'en avais vu à Runvat. Cependant, mon imagination n'avait pas suffi à pressentir ce qui se trouvait sous mes yeux. Une crypte, un sanctuaire, comment l'appeler? Le langage humain est si limité pour décrire le monde elfique. La force de l'émotion générée par tant de beauté, de pureté et d'énergie étant souvent alors incommensurablement plus puissante et présente que la beauté du lieu lui-même, d'autant qu'il n'appartiendra jamais à personne. La force de la beauté est qu'elle est libre et docile à qui sait la voir. Imaginez un temple qui n'est pas un temple, mais simplement l'entrée d'un espace sacré entre tous, dans une montagne chaude et vibrante, un lieu dans lequel on pressent, impalpable et tangible pourtant, un secret unique et inaltérable. Imaginez que ce temple, enfin, soit une immense géode d'améthyste. Encore sous le choc de la découverte, je fus bien éberlué de voir l'impavide Svarine déposer avec calme sa besace dans un recoin à l'entrée extérieure de la grotte et se débarrasser de son manteau. Puis, il s'assit en tailleur au milieu de la caverne, nous invitant d'un geste à faire de même. Il ferma ensuite les yeux et attendit. Ou plutôt, il n'attendit pas. Il alla au-devant de cette non-attente si essentielle chez tous les elfes. La richesse de mon expérience si éprouvante dans les marais d'Emlos, dont je n'avais jamais compris l'utilité, m'apparut dans toute sa plénitude. Je me glissai moi aussi dans cette non-attente étrange et affligeante par tant d'habitants du Mania. Je m'y laissai aller jusqu'à toucher les failles profondes de mon être. Et Tully arriva, faisant irruption en moi si soudainement que sans la présence de Svarine, dont l'esprit était venu s'accoler au mien, j'aurais probablement défailli et quitter définitivement cet état de non-attente et même la vibration elfique. Tully arriva non seulement dans mon esprit, mais aussi dans ma chair et dans mon âme, dans mes pensées et mes non-pensées, dans tout ce qui était moi et au-delà du moi que j'étais alors. Tully, que j'avais affronté lors de ma traversée, arriva et me susurra dangereusement. « Veux-tu encore te battre ? Gémir ? Brandir ton nom comme une épée ? Me transpercer ? Ou veux-tu fuir ? Partir loin dans un lieu où tu seras aveugle à mon esprit, mais où les miens te suivront. » Je voulus rester dans la non-attente. non pour éviter le combat, mais pour l'écouter lui, Tully. Il me parla longtemps. Je sentais parfois son souffle agiter ma blessure. « Pour que tu te souviennes, » susurra-t-il à chaque fois. Ce fut le froid glacial de mon âme qui me fit revenir à la réalité. J'étais seul dans la caverne. Dehors, la nuit était tombée. La voûte d'améthyste brillait comme éclairée d'un feu intérieur. Une troisième fois, Tully m'avait laissé la vie. Au moment de me lever, je vis apparaître devant moi un Svarin tellement différent de celui que j'avais côtoyé jusqu'à présent que je m'arrêtais interdite. Le placide elfe avait fait place à ce qui me semblait être un guerrier. Il était revêtu d'une longue tunique renat, ouverte sur les côtés, laissant voir une délicate côte de cette maille légère et quasi inaltérable que portent les elfes au combat. Il inclina brièvement la tête, et Altier, froid comme toujours, m'indiqua un interstice invisible pour mon œil si humain encore. La large pièce dans laquelle nous entrâmes, après avoir parcouru un dédale de couloirs faiblement éclairés par des roches lumineuses, n'avait plus rien d'une caverne. Elle était circulaire, avec sur toute la voûte de basalte noir un enchâssement complexe de pierres précieuses et de fils d'or et d'argent, représentant la voûte céleste telle que je l'avais lue sur la pierre circulaire sous laquelle nous avions passé la nuit. Les murs en dessous de la voûte étaient d'un cristal de roche translucide d'une extrême pureté, dont le grain donnait l'impression de murs délicats et dans un même temps profonds. Nous retrouvâmes là Dinmour et Evgur assis autour d'une table basse qui occupait tout le centre de la pièce. Près d'eux étaient deux personnages vêtus de toges grenades d'une simplicité somptueuse. Ils s'inclinèrent devant Svarin, auquel ils s'adressèrent dans un langage totalement inconnu de moi encore aujourd'hui. L'un d'eux s'approcha de moi et dit en haut elfique « Celle qui a bu la fleur d'Arnancor peut se joindre à nous. » J'avais encore l'esprit trop occupé à tout ce que je venais de vivre, pour que je puisse proférer un seul mot. Mon regard allait de l'un à l'autre, tout me semblait si loin de ma propre conception de l'univers. « Posez les questions qui vous habitent, » me dit en souriant Dinmour d'un air bienveillant. « J'avais averti qu'il fallait vous le dire avant, » marmonna Evgur, mais Svarin le coupa du ton légèrement impatient que l'on prend pour parler à un enfant qui attend devant un arbre de Noël que les cadeaux tombent de la cheminée. Ce n'était pas l'heure. Evgur insista à Bougon, sauf si on ne sait pas faire la différence entre un elfe commun et un drachnit, lorsqu'on en rencontre un. Je fus tellement saisi par la remarque du nain que ma respiration fut interrompue un bref instant. Mon regard se posa sur Svarin, puis sur Dinmour. « Je suis un drachnit, » dit silencieusement Svarin à la façon elfique. Il se permit un demi-sourire ailleurs en lisant ma pensée trop apparente pour que je puisse la dissimuler. Il continua. Les humains ont inventé bien des choses sur les dragons. Elles sont bien en dessous de la vérité, croyez-moi, noble Elgara. Puis je sentis chez lui cette même incertitude qu'avait été celle du prince Dreidi, ou encore celle de mon ami Ixel, lorsqu'ils étaient impuissants à rendre sensible et apparent une évidence elfique. Je me sentais perdu, et comme souvent dans ces cas-là, je désirais être seul. Mes compagnons le comprirent sans doute, car ils me laissèrent aller lorsque je demandais de retourner dehors, refusant le logis confortable que l'on me proposa. Je passai une partie de la nuit, seul, devant la grotte. J'eus peur, pour la première fois, de mon séjour en Elfinie. Une peur humaine et sourde m'atteignait cruellement. Mais je ne pouvais accepter la peur, qui me ramènerait à une vibration trop lourde pour que je puisse survivre plus de quelques secondes en Elfinie. En fin de compte, je décidai de retourner dans la caverne d'Améthyste. Je me remis à méditer, en premier lieu pour chasser la peur, puis pour ouvrir mes pensées. Peut-être mon chemin s'arrêterait-il ici. D'autres, sans doute, étaient déjà prêts à continuer ma tâche. Oui, mon chemin était terminé. J'avais présumé de mon savoir et de mes forces. Pourtant, le sage Ilis avait lu mes pensées. Et avant lui, la reine Odeline. Je continuais de m'ouvrir à l'instant présent. J'avais toujours trouvé dans cette ouverture de l'esprit des réponses aux plus absurdes questions. Plus j'ouvrais mon esprit, plus remontaient en moi des souvenirs humains si pauvres et si humbles que cela m'aurait paru, en un autre temps et un autre lieu, du gâchis de temps et de mémoire. Mais j'étais là, où la peur elle-même n'avait pas sa place. Je laissais passer le goût de ma première tartine de confiture, puis celui de la terre molle et noire dans laquelle j'avais planté mes premières fleurs, puis celui d'une mélodie de Schubert si légère et subtile. D'autres souvenirs défilèrent ainsi, inutiles et futiles. J'ouvris encore et encore mon esprit. Les souvenirs eux-mêmes s'échappèrent, et enfin, Tully me répondit. Il ne me dit que trois mots. Ils changèrent le cours de ma vie. Ajartaou et Randi, le cœur est esprit.